100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. C'est parti pour la nocturne 100% rap français juste après Difool avec monsieur Cozy dans la nocturne. Comment va? Ah, on est là, Fredo, on est là, de retour. De retour, he's back. C'est le retour, c'est ton comeback. C'est pas un comeback, c'est un coup de bélier. Coup de bélier, ça veut dire c'est un coup de chla, c'est un coup de couteau. Bon, tout va bien? Tout va bien, frère, comme tu peux le voir. Toujours le 9-2. Toujours le 9-2. Boulogne, ici des moulineaux, Boulogne, c'est la même. Ici des mbok. Ça change pas. Il y a du monde ce soir dans cette nocturne puisque, alors c'est quoi? Il y a un projet qui se prépare pour toi? Il y a un EP 7 titres qui se prépare avec le label de Parigo, Overdose Music. Mmh. Donc c'est un nouveau label. Ouais, avant t'étais chez Beaumaillé. Avant j'étais chez Beaumaillé. L'équipe de Youssoupha, SP, tout ça que je big up, les philo, tout ça. Et après, j'ai fait ma petite team, Team Yama. J'étais tout seul pendant un moment et là je viens de réintégrer le label de Monsieur Parigo. Bon bah très bien, donc plein de bonnes choses qui arrivent. Plein de bonnes choses, avec beaucoup d'exclusivité. Un EP, on va retrouver des artistes que j'aime bien, tels que Despo Rucci. Il paraît qu'il va y avoir beaucoup d'exclus d'ailleurs ce soir dans cette première heure de nocturne. Ils vont en avoir, on va envoyer. Ça va envoyer sévère. C'est le cadeau pour toi, pour te remercier de tous les bienfaits que t'as fait pendant que j'étais là-bas, tu vois. T'as été là et je te remercie, frère. Eh ben, bienvenue dans cette nocturne, elle est à toi. Il y a du monde aussi qui va nous présenter au fur et à mesure. Petit à petit. Il y aura du live. Il y aura du live, un gros live. Je sais que les gens sont déter, mes rebeux, mes renois, mes babtous sont déter, donc ça va kicker. Sale. Eh ben, on envoie cette nocturne, c'est parti, coup d'envoi. On envoie Keba, prod Bart Miller. Ça, c'est un petit souvenir du passé, un petit classique. Allez. Flexin. Yeah. La nocturne de Cozy maintenant. Hey, Julien, monte un peu le son dans le casque. Voilà. Ah, celle-ci. Hein, Julien. C'est pour tous ceux qui ont pas comme moi. Cosy ceci, cosy cela. Sur le chemin du retour. Comme du Prince. À vous de juger. Pour ma musique. Ils se font fuir alors je ramène de la fraîcheur dans ce putain de rap jeu. Haute scène, en mode vénère. Factory dans la maison. T'as intérêt à voir les munitions. Coquine dans la maison. J'ai 92, 130 raisons de dire que tu peux. Maillot zone dans la maison. J'vais t'apprendre à kicker dans les temps petits. Si t'es décalé, Bac dans la maison. On est venu les anciens. Parole de crainte calée. Philo, ils peuvent imiter, mais jamais nous égaler. Fuck la crise, j'paye avec des chèques en bois pour être bien calé. Pourquoi vouloir me taise dans mon parcours, y'a rien que tu carré. Auditeur, sous serment, Rimo dans la maison. 9-2 dans la maison. MC, tu te sens agressé. L'oppression laisse une impression de citron pressé. 12 piges de taf dans l'ombre, je baisserai pas mon froc pour percer. Parigo, Overdose Music. Comme un début qui mange à RC. Que les autres MC considèrent ces farces comme des menaces. Le petit frère Rochetard, Gibril, tout perdre à cause du triomphe de l'âge. Je ramène de la fraîcheur dans ce rap game. Les négros cherchent la mer gros. Toujours disponible. Sur iTunes. Yamamouluba, Ditinson. Toujours dispo. Si je pars mon fils pour me faire car c'est dans mes gènes. Je ramène de la fraîcheur dans ce rap game. Les négros cherchent la mer gros. Juste pour se faire un buzz. Les négros du monde est sa rêve. Personne veut rester zen. Si je pars mon fils prendra le relais car c'est dans mes gènes. Fais pas l'américain dans la tête car tu feras chip. J'ai les esprits ma B, tu bébef. Tu repars à Yem. T'as voulu me tacler. J't'ai contré avec une balayette. Bélec, garde mon haut de scène. On tire avec des balles réelles. Ma tête est brûlée comme la tête de DJ Posta pour gratter. DJ Festa derrière les platines ou encore sa vodka. Sans oublier le Jeb, le Kev Star. Le beat, j'le conne comme Mob Deep ou encore Jadakis. Mon rap s'écoute en cellule dans les halls. Et où ça sent la piste? On veut tous un buzz universal. Comme les plaques à Ibis. Je m'en trahis pendant ma trêve, bâtard. Viens pas me faire la bise. Quand Cozy kick, c'est trop dangereux. Y'a des balles. Je rappelle bien, par sa mère. J'ai jamais de défaite. A chaque fois que je pense en ton sein. La tristesse me met une claque. Je me compare pas ce putain de haki. Moi je suis un vrai black. En mode Ndoki, je crame lui vie. Et ça, c'est pas des blagues. Niamon! Je ramène de la fraîcheur dans ce rap game. Les négros cherchent ta mère gros. Juste pour se faire un buzz. Au micro tout le monde est sa rêve. Personne veut rester seul. Ouais Charlie je te veux. Mon fils prendra le relais. Car c'est dans mes gènes. Je ramène de la fraîcheur dans ce rap game. Les négros cherchent ta mère gros. Mon gars Chabodeau dans la maison. Au micro tout le monde est sa rêve. Personne rap dans la maison. Si je pars mon fils prendra le relais. Car c'est dans mes gènes. C'est un pour les 15. même si le rap vient des États-Unis. Je terrorise les autres MC comme le diable de Tasmanie. Dites à ceux qui veulent test que le mic j'manie. Le Glock caché dans la veste Gucci ou encore Armani. Ah oui, comme pour vous, je monte pas les claouis. Chez nous, on comprend qu'avec les boutons, je kick son verre vers la Rani, bâtard. Si on est dehors, que le beau temps, c'est moi qui l'ai remis. Petit, je fais du rap de test, car je suis un star là. On veut tous une femme. Roubaix, boutou dans la maison, roubaix, gainé dans la maison. Niama, mes punchlines te blessent à bout portant comme Marc Taylor. Je suis un pur produit de mon environnement. Personnellement, gros, j'ai pas besoin de gros dinge dans la maison. On est poussé par les chiens. Mais nique sa mère, on s'est fait. Bah ouais, la vie, c'est un choix que personne ne fera pour toi. Je taperai pas pour le SMIC ou encore pour quelques pourboires. Pour que les TIG voient maximum de l'OV. Pour la MIFA, Niama. Hein, Kanou, D1. Fuck les matons, gros. Hein, l'exclusivité. Mise à jour. Prod Thérapie 2093. Big up Mehdi, big up à toute l'équipe. Thérapie musique. Menace a été détectée. Hein, monte le son où tu sois, dans ta Gova, en Chicha, au Hebs. Monte le son, gros. Ça, c'est de l'esprit, mon pote. Sur une prod de thérapie, je vais faire sa tarte. C'est chacun pour sa gueule quand t'es en chien. Y'a pas un chat. Un million de vues sur le net ne feront jamais de foot et pas chat. Dans la street assis, marche la tête baissée. Avec un crachat. Niama. Même si je me gratte un fuite. Quoi? Je te dirai fort, tu viens te la manger. Tu verras bien si c'est un faux coup. Hachoum, désolé, je suis allergique. Au faux cul, je te fume pointer du doigt. Derrière la vie de la forme faux cul. Sale balance. Enlèvement de la merde normale, c'est des sucères d'anus. 9-2, on fait du sale pendant que la croisière s'amuse. Gardez vos copinages pour te péder, je connais vos russes. Le savoir est une arme, tôt ou tard je vais te construire en russe. AK meilleur pour la fin, alors je sors en dernier. Déterminé à revenir avec la gerade un peu dernier. C'était encore un set de plus dans le hit parade. D'intérêt d'avoir du souffle bâtard. Si tu cherches pas la Niama, appelle-moi la mise à jour du rap, c'est franc. J'ai plus de haine pour les hypocrites et mes ennemis. Transformation 4, regarde comment je tabasse. Trop de virus dans ce rap game, je vais mettre un coup d'avance. Appelle-moi la mise à jour du rap, c'est franc, j'ai plus de haine. Mettre un coup d'avance dans ce putain de rap français de merde. Transformation 4, vous allez voir comment je tabasse. Trop de virus, fallait pas me libérer. MC, t'as beau faire 2 mètres, c'est pas à la hauteur. 1 dans la street, c'est des interprètes. Au mic, des narrateurs. 2 pour info, dans mon propre film, je suis le seul acteur. Y'a mes Niama de clichés sous pour vous mettre à terre. 9-2, dans les bacs, dans la big rap, numéro 1. Disque d'or, rap français, formaté par Laurent Bruno. Le vrai rap, c'est des métaphores. Donc cours, les mettre au courant. Les faux MC se serrent la ceinture. Coco, y reprend le volant. Plus rien ne va dans ce rap game. Même les poucaf deviennent insolents. Niama. Appelle-moi la mise à jour du rap, c'est franc. J'ai plus de haine pour les hypocrites que mes ennemis les plus grands. T'entends ça? Transformation 4, regarde comment je tabasse. Trop de virus dans ce rap game. Je vais mettre un coup d'avance. Appelle-moi la mise à jour du rap, c'est franc. J'ai plus de haine pour les hypocrites que mes ennemis les plus grands. Transformation 4, regarde comment je tabasse. Trop de virus dans ce rap game. Je vais mettre un coup d'avance. 1. Là, c'est l'exclusivité, prod kilogramme. Monsieur Desporucci, annoncé. Écoutez ça. Ça, c'est un son pour les Kayara. Avec un nous, Moukex, le D1. 500 tonnes à l'arrière-caisse, sans fusil. On trafique plus pour la gloire, on te les saisit. On refuse de se faire croire. Ils font le son qui tombe mal, ça sent le meurtre et la revanche. Mon négro, t'as de la rabla sur le phalange. La banlieue parisienne, sort des côtes. On fait du sale pour solder notre compte. Soir seul, le tonnerre gronde. Quand Franck Lucas, je me tiens à l'écart de vos trafics. Renoir, je mets mes affaires au calme. La matière dans le plastique. Capuché, j'en ai tout faire pour un casse. 2014, je passe à la claque. Les joues voient sauter dans un spectacle. L'oseille ramène les putes, la reine ramène le casse-pipe. Mon équipe fait pas la fuite de chienne, pas principe. Non, les manches mères, je la raconte. Dans ce milieu de scriptuseuses, les vrais rats, les suceuses cherchent du plus. On est des terres sur le pécan en roue arrière. Warrior 9-3, on fait jamais marche arrière. Avec l'attitude, c'est le but du mal. 92, 93, à Messa, Rosignama, Annoncy, Despo Roots. Si t'es les charges, c'est trash, tu fais le péter. Par pour tout, c'est le plus dur. C'est le plus dur. 92, 93, à Messa, Rosignama, Annoncy, Despo Roots. Si t'es les charges, c'est trash, tu fais le péter. Par pour tout, ok. Là j'ai la taille, n'est pas un critère important. À moins de 18 ans, peut te tirer dessus un bout portant. Sortez le couvert, car la mort est omniprésente. Le rap par corps est de retour, je le certifie par notre présence. On présente pour ici, PSP jusqu'à Blanqui. Niama, mes rimes sont trop sales pour être blanchies. Nique sa mère les sentiments, plus tu penses, plus t'en chies. Négro, la vérité ne se cache pas au bout de ton shit. 2011, sous les ondes, y'a plus rien qui m'étonne. Y'a trop d'écrous, car les carrefours ont dépassé les bornes. Niama, le sang m'en huitzo, toujours en mode Sahel. Je me vais tôt pour se faire des thunes, cousin, y'a ça qu'on aime. Vos clashs et vos compètes, nous, on en a rien à cirer. Si nos shoes, sans ça, pas grave, ta tasse viendra les cirer. J'te pèse avec ces vérité, même si t'as la chatte serrée. La faucheuse a fait les quatre sans coup. Comment veux-tu choisir? Avec l'attitude, c'est le plus dur. Perdu 92, 93, à message. Conseil Niama, annonce Blanco, Dani Bourou. Télécharge, c'est pas, on fait le péter. Parfois tous avec l'attitude. Vivant la santé, je dis à Bois d'Arcy, Bois d'Arcy. 93, à message. Conseil Niama, annonce. Wesh, Novi. Despo Roots, je télécharge, je trash, je fais le péter. C'est Géry. Dans les Alpes, t'as 98 idées. Sur un Despo Roots, j'ai plus d'aucune grosse tête. J'en bitch, j'suis humble, mais t'es terre. La patate de net, va pas lifter. J'ai le buzz comme si je m'étais fait séquestrer par un Ivoirien dans le 9-2. Tâche tes faiblesses avant que tes propres frères te la mettra. Et le nouveau penchant sexuel est né le mot oseille. Street incest. Crois pas que tu pèses la terre entière en missionnaire en tapant des pompes. Parce que le coup de rein, c'est à peu près le même geste. Roots, arrêtez, c'est un classique puissant. Trash, la, the next episode. Tu trouveras plus bad que Roots Zone. Quand tu seras retrouvé, c'est des putains de boxeaux. Pisseaux, impossible, fesse. Revendique, mais au fond, j'sais même pas ce qu'il y a de moi à faire tomber le système. Tu sais, j'ai peut-être intérêt à le voir perdurer pour pouvoir le rançonner comme Charlie Power. On kick avec l'attitude, c'est le but. Guerrier. 92, 93, Consignama, Annoncy, Despo Roots. Si t'es les charges, c'est trash, tu fais le péter. Par pour tous, avec l'attitude, c'est le but. Gnagnon, Shaggy, Compton, Fred. 93, à message, Consignama, Annoncy, Chignama, Jim Shoggy, Otse. Si t'es les charges, c'est trash, tu fais le péter. Par pour tous, avec l'attitude, FLR, Dango, 4ème étage. 92, 93, à message. Eh mon gars, j'ai du 20ème. Garde la pêche, mon Despo Roots, tu télécharges, c'est trash, tu fais le péter. Par pour tous, avec l'attitude, c'est le Camus Production, Lille Roubé. 92, 93, à message. Conseil Niama, Annoncy, Despo Roots, tu télécharges, c'est trash, tu fais le péter. Par pour tous, Yves de Tremblay, c'est pour tous les gars au star, ça. 1. Bon, ça c'est de la grosse exclue, hein. Ouais, c'est de la grosse exclue, c'était rien que pour toi. C'est pour ça que j'ai parlé un peu dans le truc, parce que ça c'est du scred, gros. Et ça, ça va donc, ça sort quand alors ce projet là, ce EP Normalement, courant juin. Courant juin. Ouais, courant juin, et on va balancer le premier extrait dans les jours à venir là. Donc t'auras l'exclue. 7 titres inédits. 7 titres inédits, ouais. Dont celui-ci, alors si j'ai bien compris, le morceau avec Despo, il sera dessus. Il sera dessus, c'est une prod de Kilogramme, 33, que je big up, et il y a mon gars aussi Annoncy dessus, un mec du 9-3 de Bondy. Tu vois, un mec qui va arriver très très très sale aussi, et ce morceau-là il sera dedans, et il y en aura encore d'autres, frère. Bon, on a entendu une prod thérapie aussi auparavant là, juste avant juste avant le morceau avec Despo. Back to the Future, c'est la prod mise à jour, c'est l'introduction du EP. Qui arrive au mois de juin. Bon, c'est Cozy qui a pris le contrôle de la nocturne. Il y a du monde ce soir. Il y aura du live aussi dans quelques minutes. Là, on repart pour une session de morceaux. On repart sur une session de morceaux avec un artiste que je suis beaucoup, qui est pas encore bien connu, mais qui est là. C'est mon petit Zincou, c'est Mayo, soldat du 9-3. Il est là, il va se présenter avant qu'on envoie son fait Fanny. Alors, petite présentation à CV Express. Voilà. Bienvenue. Ouais, merci Fred. Moi, c'est Mayo, en provenance de Stein, dans le 9-3. Et voilà, j'ai pas trop parlé rap. J'ai plus parlé. Je suis à venir, tu vois. Je suis plus à venir. T'es plus à venir, ouais. On peut suivre sur le net. Il y a des sons à balancer. Ouais, le Facebook, c'est Mayo, M-A-Y-O, la main du gâteau. Et voilà, là, il y a le morceau qui va venir. On écoute tranquille. La part du gâteau. Et bon, on l'écoute maintenant et allez suivre Mayo, M-A-Y-O, un peu partout sur le net. Ouais, ah, Mayo, part du gâteau sur Facebook. On voit ça. Ça bouge. Fais Fanny. C'est la nocturne de Cozy. Là, t'es dans ta gova. T'es avec une petite biatch. T'écoutes ce son, gros. Gros pilon, et t'imagines. Aïe, fais Fanny. T'es qu'une bitch. T'es qu'une bitch, t'es comme Fanny. Arrête de faire le tech, t'es comme Fanny. Bitch, t'es comme Fanny. Tu fais le tech, mais t'es comme la Fanny. Yo, Ouzo n'est pas ton ami. Du sang sur mes vêtements, puis sur le tatami. La tronche aplatie comme un panini. Y'a que comme ça que tu nous tiens la compagnie. Fraîche de 4-0, frère. Le Chivani, tu peux me le malaxer. Ça, ça vient de stance, ça. Ta bouche dessus, ça pourrait me relaxer. J'ken des chiennes, pourtant je me suis basophile. Encore loin d'être comme ton daron le pédophile. Cocaïne, héroïne, je reçois des coups de fil. On tombe en ruine lorsque les combés nous filent. À tour de rôle devant la juge, on défile. Une chose est sûre, c'est pas des stories débiles. T'es qu'une biche, t'es comme Stéphanie. Biatch. Big up à Mara Fleury. T'es comme Mara, t'inquiète, on est là, frère. Hey, Popov, ouvert de musique. Yann, Malouté, Cyril, on vous oublie. T'es qu'une biche, t'es comme Stéphanie. Arrête de faire le texte. T'es comme Stéphanie, Fanny. Bitch, t'es comme Fanny. T'entends ça? Tu fais le texte, mais t'es comme la Fanny. Sors du boulot gros au bout du rouleau. Wesh patriote, Djibril, Terranant. Bientôt la sortie les frères. Le square de l'homme. Les épinettes, la gare. Meudon, ici les moulineaux. Je bosse comme un pro, demande à tes quoi tu veux. Wesh. Mon 357 fait danser le coup d'oro. Une marque sur le volant, l'autre caresse ton collant. C'est saoulant, ton boulot, il est moulant. Il est moulant. Envie dedans. J'aime quand tu la sens. Les dards parle avec l'accent. Mes billets de sang. J'aime quand tu les sens. On tue les gens. Avec ou sans les sens. Black avec et sans. Black King Story. Ça c'est QHS Prod Cannibal Smith. Mon gars Gros Dash est là dans la maison. On va balancer un son à lui. C'est le frérot ça. C'est ghetto, c'est Cannibal Smith. Hudson. Par des bras choisis par les Qataris. QHF. Phonique quand on monte sur Paris. QHF. La tournoi de meilleur pilon de la Sevran. QHF. VLG. QHF. VLG. QHF. Mon rouge, Plama, Malakoff. QHF. Nadir, Tiger, Fleury. QHF. Roland Mania, Nanterre, j'aime filer. QHF. Pluto, QHF. Fagneux. Boméo, sympa. L'union fait la force, on est tous homogènes. Jeu. Charbon, nourrir la mine. On a tous dans les gènes. 9-2, département du lingot. Et ils le savent bien. On est loin et vive à l'ancienne. Comme des homo sapiens. On a des grosses hernies à main parce que on plus en star, près de la tête au Yev, on voit Rouya ou encore Hoche. Oui, mais dit. Des ponts, des bruits, des truands, ainsi que des push. Golden Eye. Si tu brises la loi d'Omerta, tu te manges une stose bar. Ça traîne par derrière. Il faut en face, ils osent pas. On a foutu toute ta provenance, mais Dieu, je m'en fous. On fouine pas. On voit les couilles de ce qui se passe chez vous. Nous, on ne fouine pas. Un mec du 9-2 porte ce coronesse, il ne fouille pas. On tolère pas les disquettes, tu peux pas nous. J'ai le breaké. Car il peut le rap de pure souche. Levez vos briquets. En gros c'est nous les grossistes. Igo c'est vous les criquets. Bâtard, tu veux nous baiser. Et prends ton ticket, allez hop. Qui jalouse son département. QHF. Qui fait du bif sur le raté salement. QHF. Qui sent ton place en boîte même en prison. QHF. Hey Djibril à Nanterre. QHF. Tous les gars à terre non. Oni. Fleury. Fleury, Brada, Emmett, Varane le Grand, Adir, Tiger, ok. Jim Yamar, sympa. Mais Woods. On est fort prêt. On a aux autres départements parce qu'on est fair play. On n'est pas du mon Pablo Picasso. On fait les portraits. Viens loquer chez nous. Poto, si t'as besoin d'un bordel. Dans le Nesby, cherche pas, c'est nous les kills et kills. Plaque tournante en deux spies, on transforme les kills, on lit les kills. On kiffe les gros spies, comme Nicki Minaj. Lili les kills, Parc de Prince, QHS. Chez nous, y'a que de grandes équipes. T'as 10 secondes pour prendre la fuite. Quand on pèse la net feu, on n'a pas attendu de voir les films de gangsters pour faire feu. On est pélis quand tu vois une plaque. Du 9-2, fais un vœu. On voit qu'on a la classe. Donc forcément, ça fait des envieux. Nos coraux coronés sont grosses comme les noix de coco. Les rappeurs de ta rue avaient moins de soi que nos clodos. Moi Val d'Or au 4 août ou encore au coteau. Tente de me faire une clé de bras. J'te sors un gros couteau, bâtard. De faire office, on fuck la défaite. QHS, c'est femme du 9 de l'aime. Et dis mon Kekola, mon guest. QHS, tu sèmes ma viscère en plaqué. Niamma, ça coûte grise. QHS, Anthony. Ouais, Dolly. Fontenot, Rose, les plaisirs, Robinson. QHS. Nelson, à quoi boulevard, tu achètes. Quel défense de racine, club de France, tu achètes. Un clou, tu achètes. Quoi que tu vis, Fos, Enzo. Ça, c'est encore l'exclusivité, plume sale. La prod vient d'Atlanta, mon pote. La prod vient d'Atlanta. Petit délire comme ça, je galérais. J'étais en studio. Vas-y, j'ai pris le studio et j'ai gratté un petit cutru. Mike Fury, 9-5. On a plus le temps de s'amuser. Gelsiani, Forza Lazio. De 2007. Yeah. J'ai la voix pour convaincre. Le son yin, c'est la jeunesse. Yeah. Ça pèse des femmes mûres comme Claire Chazal, Véro Genesta. Jacques derrière mon dos, tu me fais de la foule. Alors je te laisse. Les chiens de la casse, imposteur, mytho, je les tiens en laisse. Oh, bref, hein. Serre les dents, car Cosy pénètre. Combat, c'est la fin de la crise et le retour du bénéfice. Plus c'est hypocrite comme un sorcier qui pleure un défunt. Hugo, si t'allumes Cosy Nyama, éteins la mèche. Yeah. Des labels, mettre des gros de cas pour manger des miettes. Ça break derrière mon dos, mon face à face, ils sont tous éteints. C'est clair, vu que le purisme m'ont choisi pour tenir tête. Ton rap porte un gilet, je viserai sur ta tête. Cette année j'ai eu mon rap plus 13 pour vous cette tête. Je suis le petit à personne, juste le fils de quelqu'un. On place tout dans l'illicite, le rap c'est pas mon gagne-pain. Comme à l'ancienne, les fans des fous, j'ai une note sur mon calepin. Dans ce game, y'a des badaladés, et y'a nous, Flow et Dead, FC à la larmo. Je suis tellement triste que parfois j'en perds les mots. Les larmes d'un homme sont plus dures que celles d'une femme ou d'un marmot. Dans ce game, y'a des badaladés, et y'a nous, Flow et Dead, FC à la larmo. Mon frérot du 9-4, du camp, Mbappé, 113, Kobe, Traoré. En rap c'est une manif, le mien un attentat. Le flow vient du 9-2, la prod vient d'Atlanta. Ils ont pas voulu que je fasse ma place, donc je suis rentré dans le tas. Sous des roulants en tant que normal, que j'ai pris du retard. J'irai jamais voir du Pastis ou encore du Ricard. On va quand l'argent ça m'appelle, je décroche même quand c'est Ricard. Je veux ma tête ou quelle image, j'ai plus fait un clic droit. J'ai pénétré mon pénis, car j'ai assez mis des doigts. Des têtes d'affiches sont encore en vie, ridicule, ne tue pas. La héros nationale, c'est Patrice Lumumba. Et non, tout pas qui. Je suis propre du lundi au lundi, pourtant ma plume est sale. L'ingé compose les 18, parce que j'ai fumé ça. Ami m'a dit qu'aussi ta chose, quelle que les ouais, autres, même sinon pas. 9-4. Si je te frappe, tu vas m'aider le sol, même si tu pousses la barre. T'as qu'à part, à l'époque dans ouais. RAP, y'avait pas de chatcheur. T'achèves avec une barre, j'ai plus de bastos dans mon chargeur. Il y a des badaladés, Giovanna, et y'a nous, Flo et Dead, FC à la larme, à la larme. J'ai tellement triste que parfois j'en perds les mots. Y'a pas de caisse, négro. C'est une femme ou un marmot. Dans ce game, y'a des badaladés, et y'a nous, Flo et Dead, FC à la larme, à la larme. J'ai tellement triste que parfois j'en perds les mots. J'en perds les mots, sont plus durs que c'est une femme ou un marmot. Dans ce game, y'a des badaladés, et y'a nous. Et y'a nous, on peut être FC, à la larme. Je suis tellement triste que parfois j'en perds les mots. Les larmes d'un homme, dur que celle du pouvoir ou bien marmot. Yeah. Game, wesh, Végéta, bientôt libérant, frère. Et y'a nous, Alzincou, les bientôt libérants. À la larme. J'ai fixe à Ré, Riche la riche, maman. Abedou. Yeah, yeah, yeah. Osinyama. On est là, calme. Yuzo, yuzo. Si, si. C'est la nocturne. Avec Cozy au contrôle de la nocturne. On est là, mon gars Fredo. Je sais, j'entends bien, donc exclu. Exclu, donc il y a eu Fefani de Mayo. Juste après, il y a eu QHS, tu l'avais déjà envoyé, celui-là, tu faisais tourner. Celui-ci, je connais. Prod Cannibal Smith, on l'a pas mal écouté. Et après, on a balancé Plume Sale, tu sais, c'est un petit délire. J'étais au studio, je galérais. J'étais sous vodka. Et hop. C'est venu comme ça, naturellement. C'est venu au studio Météor et je big up Jérémy au passage. Bon, ben, il y a Cozy qui prépare son projet pour le mois de juin et donc beaucoup, beaucoup d'exclus ce soir. Il y aura du live et un autre invité qui vient d'arriver aussi. Gros Dashizen! J'ai l'impression que c'est un invité, ça y est, il connaît l'adresse par cœur. Ça y est. Deuxième semaine d'affilée. Aïe, résident Skyrock. Ça va ou quoi, Gros Dash? Résident Skyrock. Bon, en même temps, Cozy était la semaine dernière aussi, donc voilà. C'est le frérot, c'est l'aller-retour. Chim des 143, c'est là, c'est l'équipe. Aïe. Bon, tout va bien depuis la semaine dernière? Ouais, relax, hein, l'album il est sorti lundi, on charbonne, on envoie tout ce qu'il faut. Putain de freestyle la semaine dernière, les gens ils ont grave kiffé, il y a eu grave des retours. On a balancé la petite vidéo là, tout ça, donc enjaillez-vous, je vais checker ça sur YouTube. Et allez l'acheter, l'album il est sorti. Tous ceux qui soutiennent la Team Nyama, tout ça, allez l'acheter, c'est un putain d'album. En plus, la Team Z, c'est quoi les boys? comme je disais, Gros Dash, il m'étonne tout le temps ce mec là, l'évolution, elle est abusée frère. Je te le dis, moi. C'est merde, frérot. Voilà. Et bon, on va peut-être mettre un morceau de Gros Dash dans un instant. Voilà. Tu veux qu'on mette lequel, Gros Dash? On va se mettre premier spliff. Hein. Je vois Cozy, il est en mode agressif depuis tout à l'heure. Il envoie que des morceaux énervés. Donc, premier spliff, là, ça va être premier spliff direct. Okay. On va envoyer la patate. Et bon, on va le balancer dans un instant. Peut-être juste un autre morceau avant, le temps que je récupère premier spliff. On va balancer le morceau qui va suivre. DJ Flexta. T'es là ou quoi? On va balancer Nyama Remix avec toute l'équipe, Youssoufa, SP, Sams à l'époque. Sur une grosse prod de mon gars Fuji. Nyama Remix est derrière, voilà. Premier spliff de Gros Dash. Yeah. C'est la nocturne 100% rap français. Vois-nous comme la nouvelle famille Gambino. Clac, clac, tout fina Bino. Classe d'un 44 ans, Nyama jusqu'aux atomes. Celui qui me fera la peau sera en brief avec mon fantôme. Ice, maison Alpha. Le prix d'une baisse. Allo Enzo. Ecliptique musique, S des crime team, c'est S lui qui est dans le budget. Tu ressens les symptômes, lyrique à les matos. Cozy, Samsius, Black Locos, Fratos. On a sorti de matos. Cette année, je suis déter, vénère. Tu parles mal, viens en face, enculé de ta belle-mère. On fait du bif, ça géchant. On n'est plus des petits rots, y'a pas joué les grands. Tu vas te faire tes planches, Général Philo. Nemesis, c'est quoi les bails? Wesh, Colo. Bye bye, Kinshasa Star, on te dit bye bye. Il pleut de la monnaie et des LV à 140 carats qui se flottent sur mon Nirma. Les ondes avec des déclarations sans mensonge. Ma manière d'aller leur dire si c'est mon son. Tu t'inquiètes ou pas? La 100% que je fais mon job. C'est un pour la old school. Pour la nuit, jusqu'à Kinka et Bochika la malamou. Yous, on est là nous. C'est pas en bavard Philo Lingo Boma Bango Tika Bango Mawatro. Ok. Depuis le bled on s'épuise, pise, calomnier. Sur mon équipe en crête dans les pises, pise, canonnier. Un flow qui t'aide pour que tu puisses, pise, parodier. Que tes rappeurs de merde salut le prime. Parolier, sentir parasite et faire. Des 143. Je vais rentrer au paradis, mais la porte est mes frères. Congolais déclarent tous le même emploi. Profession menuisier à force d'apprendre à faire des chèques en bois. Check envoie un beat, route sans mode jama. Pour mailler des coupes sur la route de mes niamas. Et j'avance bien comme on veuille. Comme dit Cozy, c'est pas le rap qui est mort, ce sont les M6 qui sont dans deuil. Et le cauchemar continue. La route est longue comme un détenu qui compte sa nuit. Cadou, tu fais le mot Konzi dans ma tête au concours. Dragon, comment veux-tu qu'un set comme si quoi attrape un coup de Ali. Ne sors pas, Mundouki, car tu tires pas. Plus d'une fois j'ai fait du starman. Alpatch, la Courneuve, au D2. Ouais, Joro. Ah mon petit cousin, viens lire. Tiens bon. De quoi je suis capable. À 4 pattes. Sans les salopes lorsque je les quiebra. Je sortirai un gros chelin si tu tentais de me faire une clé de bras. Transforme les MC. En shit, on voit les massas. Pour que je les fume avec des grosses feuilles sur la mesa. Une bataille n'est pas la guerre, alors je remets ça. L'épaule en merde, Nabino. J'espère que t'as saisi le message. Cozy 7 aka Nyama Mulouba. SP Sam Chusufa. Toko Boma. Qui est braque les ondes avec des déclarations sans. Ce morceau. C'est ma manière d'aller. Que tu t'inclines ou pas? C'est à 100% que je fais mon job. C'est un pour la hausse pour la nouvelle. 33 Sams. Bordeaux. Des MC comme des chichas mancom. Kilo, kilo, kilo, gras. Toute la concurrence se cramponne. Qu'avant à vrai dire, mon frère, je m'en tamponne. 4493. Toi, grave, mon tape de l'écrit comme à Compton. C'est grave de la com. Féroce, Genesis, Music. Pas riche à la base. Pas le buzz à Zaz. Ni le compte à Zaz. Sur le mic, j'assassine. Mental kamikaze, genre. Place en dit. Déboulé d'un. Niama. Enzo Kovic. Stasi. Avec Guerre Music. Jim White. Black Bull. De Dakar jusqu'à Kinshasa, c'est dead, mec. Rota Chizel dans la maison. Wesh, Malé. Sur le gratuit du monde de Sunday. C'est pas les rapides. Poison Mike. Avec des déclarations sobres. C'est ma manière d'aller l'ordure sur ce mensonge. C'est à 100% que je fais mon job. C'est un pour la old school, pour la nouvelle école. Niama. Coquienne dans la maison. Les invités sont là, ils vont se présenter après. Gros, gros freestyle. Bac dans la maison. Retenez bien ce nom, Bac, maillot. Bref, souvenez-vous bien de ça. 16. 1. 5, 9. Roubaix, Radur, Chegué, Kincha, Nordin, Calin. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Yeah, mon gars, le 9-1 est dans la maison. Mr. Chizol est dans le building. C'est quoi les bails, c'est quoi les jazz? Les Ulysse, Grigny, Evry, Corbeil, Yeller. Bandana et Purple Ace dans les bacs depuis lundi, mon gars. On va choper ça. C'est la team Flyman Vision. Jesus. Je suis le dernier du clan Kennedy. Yeah, yeah, Kennedy. Morceau est trop sale, gros. Bon, alors attends, tu sais quoi? On va remettre dans une autre machine parce que ça a fait péter notre machine, tu imagines? Ah, gros dash, l'apprenti sorcier. Qu'est-ce que ça veut dire ce bordel? Les bails de sub, tu vois quoi? Les bails de sub, ça fait trembler les vitres, mon gars. La voilà. Machine s'est pris un coup de fumée de spliff. Waouh! Elle a du mal à décrocher. Excepté haché, mon gars. Elle a prod, beau pote. Allez, on va écouter ce morceau qui s'appelle Premier Spliff dans premier la nature. Spliff, mon gars, ça fait tout disjoncter, mec, dans la station ici. Qu'est-ce que les bails? Ça devrait marcher. Est-ce que les mongos sont là? Est-ce que les books sont là? Est-ce que les bails? Est-ce que les dièses? Vous êtes là ou quoi? Ouais, gars, nous. Mon Yama, Cozy Z, c'est quoi les jeans? Prends des longues feuilles, mon pote, dans la cellule. Hey. Comme d'habitude, gros. Sors les massas, papa. Ah ouais. Vide le pochon, y'a rien à garder, mon gars. T'es fou, hey, tous ceux qui sont fouillés à la raclette, chargez les bidons, gros. Je suis le dernier du clan Kennedy. Né pour gérer tous les ennemis. Trop ailleurs pour être à Urban Beach. Oui. Mais vous êtes fous, Manga Benny B. Oui. Putain d'époque, quelle idée de devenir parent. Putain d'école, 900 murder 40. Hein? Dans nos crânes, Manga, ça tourne pas rond. On a des flingues silencieux comme le daron. Yeah. Je marche avec les mêmes depuis une décennie. On défonçait des mecs de quartier chaud, on avait 16 et demi. Paris, c'est quoi les bails? Ça fait mal quand l'assiette se vide. Manga. C'est bizarre comme la 16 civile. Tu veux me croiser dans une grande pavalance? Je sors sûrement de studio négro, je rentre pas de vacances. Anna Montana, Anna Montana, vas-y, danse ta la blanche. Mais si t'as le booty, à Mal et Cyrus, tente pas ta chance. La rime qui blesse, ça fait longtemps que je l'ai. Il rappe d'anus, le public content de merde. Ramène ma bonne bande de necks, une constante de fer. Tu veux du magic, ça tombe bien, je reviens de Los Angeles. On a passé l'âge des gardables. FMV c'est le hashtag. Elle est seule, rappeur français boosté par les Rastafasta. Après si c'est comme le premier pédo. Yeah, grosse biatch sur un queen size, donne le pilo. Yeah, Masta, ça sent le sac à dans mon quartier de Blenos. Yeah, j'ploque ma salade dans des paquets de Kellogg. Si tu traînes avec ma team, faudra v'là les poumons. V'là les poumons. Pas de coca dans mon jack, comme les dames et poulos. Dame et poulos. Pas de tabac dans mon yak, smoga dame et poulos. Dame et poulos. Dame et poulos, dame et poulos, smoga dame et poulos. Dame et poulos. Si tu veux passer le message, rajoute pas de refrain pourri. Refrain pourri. Dame et poulos, cheesy, cheese, Gordon Ramsay le poulos. Ramsay le poulos. L'objectif, mon objectif, c'est ramasser. Rien que j'roule des spliffs, il pleut du bif, j'vais pas lâcher. Pas lâcher. J'roule pas ta chatte quand j'ai le gosier arraché. J'pourrais être rangé dans mon dossier à clasher. À clasher. Bandana et Purple Haze, négro, c'est dans les bacs depuis lundi, va choper la galette. Va le pécho. C'est du rap sale ça. Tu ressens toute la rage dans les subs, négro. Eh les Ulus. Stand up, juste brrr. Las Monzas. Hey. Les HP, la Donnière, les Avelines. Bandana, c'est quoi les G? Purple Dream. Les bails de Purple, négro. Ah ouais, mon gars. LMC Click, c'est quoi les bails? La Coméra. Yes, F. Malcolm X. 100% Jesus. 100% Explicit Lyrics. La Nocturne. Bac, hein, écoutez ça, c'est l'esprit. Bac de Rennes. Il va faire très sale. Il va vous faire du très très sale. 18 plus. Mon négro. Eh, dis-leur, Bac. Ok, mon négro. Qui était où depuis temps? Elle est où ton équipe? Que je les empile. Comme des Lego. Réveille-toi, écoute-moi, déstress. Vas-y, tire une taf sur le pédo. Yeah. Fais des enceintes au studio. Mon négro demande à Daflo. Yeah. Para Iso Society, eh. Maintenant valide le niveau. Niveau. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te caches dans ton trou? Dans ton trou. Mon négro se fâche. Car le son l'a rendu ouf. On l'a rendu ouf. Le rap est fâche, personne n'en voudra comme tes poux. Mais ils sont où la concurrence? Mais vous êtes où? Vous êtes où? Mais plutôt bon dans ce que je fais. Je me prétends pas être de boss de Rennes. Je garde les pieds sur terre. Même quand j'entends, il est fort ce mec. Je m'acharne comme un forcené. Elle dit faut forcément mettre la daronne à zèle, les bras et les sous. Et fuck les concurrents. Mon négro, je vais tous les baiser. Reste branché, tu seras au courant. Au courant. Et je vais faire des jaloux, aussi des envieux. Mais je suis déjà au courant. Ils repartent tous en courant. Nous dans le gars, monstre allemand. Je m'en porte inconsciemment. Comme vite diesel le haut volant. B.A.K. para ISO, l'équipe E. L'équipe E. Dans le building Omega, dans le coin VIP. VIP. T'es max casque intégral, ça va rafaler. Rafaler. Sur ton vieux rap de battre un coma marseillais. Mon négo. Mon négo. T'étais où depuis temps? Elle est où ton équipe? Et je les empire comme des Lego. Réveille-toi, écoute-moi, déstress. Vas-y, tire une taf sur le bédo. J'mets tes enceintes au studio. Mon négro demande à Daflo. Para Iso Society, Mano valide le niveau. Bac, Bac. Para Iso Music, yeah. 3-5, Mayo, balai. Balance leur un petit truc, Bac. Balance leur un petit truc jusqu'à la fin. Yeah. Fume ton truc. Un. Faut faire des euros pour mettre bien la maman. Ton fucking peur, hein. Je le plonge dans le coma. Je fais que c'est négro fragile qui aime bien trop les teubs. Pas d'occasion spéciale, mais je roule un missile pilon ou zeb. Négro comme Pédozo sur ma bia, j'aime la Sherma. Les balances au collet devant sa souris, mais derrière que du blabla. Elle t'a fait un gosse dans le dos, mon négro, fallait juste mettre une vodka. B-A-K-K-4, c'est le pression de la gâche. Que Dieu nous éloigne du chétan. Que Dieu nous éloigne du carplat. Yeah. Mes négros sont dans le bocal. En train de se taper un aqua. Yeah. Mais toi, tu me parles de quoi? Je m'en fous de ta vie, je m'en bats les couilles. Ouh. Ouais, négro sur la scène, je mouille le maillot pour Baléus. Yeah. Négro met du Gucci. Mais il est fâché, dommage. Dans le rap, je vous le dis. Je suis venu pour faire un calage. Yeah. Vas-y, remballe ton flow. Ouais, négro, allez, ouf. La vie c'est plus la jungle noire, c'est devenu la brousse. Ah là, 18 piges mon pote dans tes dents. Reine la Nocturne avec Cozy donc. Voilà, on est là mon gars, t'as vu ou pas? Hey, Fredo, je t'avais dit j'allais te présenter des petits gars. Je vois du lourd déjà, hein. Des petites pépites, il a 18 piges, baka. 18 piges? Il a 18 piges. Bah écoute, bon courage. Toi, on peut te suivre où alors? Pareil sur le net, t'as une adresse, un truc? Moi, mon Facebook c'est Bac Paraiso. B-A-K espace P-A-R-A-I-S-O. Ok. Suis Cozy Nyama sur Cozy Nyama Twitter. Suis-le sur Twitter et tu suivras. Tu verras. RMD. Est-ce qu'on serait pas parti maintenant pour une grosse session live? Grosse session live, mais je vais laisser les frères se présenter, t'as okay, vu? Vas-y, on laisse les gens présenter par respect et tout ça. Les frères vont se présenter, chaque un par un, il y a Rimo qui est là, ils vont se présenter. Et alors qui commence? Qui commence de ce côté là? Vas-y. Bah moi c'est Lascar. Lascar de Thèse. J'habite à Valenton. Et je suis venu au plein planète rap du frérot Cozy. Non, pas planète rap, la nocturne. La nocturne. Nocturne. Ouais, ouais, pas encore, t'inquiète pas, ça va venir. Ça viendra, mais. C'est planète rap nocturne, quoi. Voilà. Et voilà, quoi. Ou la nocturne de planète rap. Voilà, on va faire du sale, tu connais. Pas de soucis, bon, t'attends au freestyle dans un instant. Ouais. On continue. Ouais, moi c'est Y-Co, épiné sous scénar, à Belgans. 91860 euros, épiné sous scénar. On est là, on est venu soutenir le frère Cozy. Wanted. Ouais. Wanted, libérez-le. Dédicace à Coblan, Le Chou, Nino. Je suis venu avec mes gars, Ludo, Katooms, Biggie, Baston, Chris et mes grands idents. On est là. On continue les présentations autour de la table. Il y a. Ouais, ouais, c'est Rimo, R-I-M-O. Ici les Moulineaux. Ici les Moulineaux. On est là avec le frérot Cozy. On est venu représenter le 9-2. Toute l'Afrique, tous les frères. Eh bah, très bien. On est venu soutenir le frérot. Après. R-I-M-O. Après. Ah, y a mon. Y a un petit qui vient d'arriver aussi, qui est là, qui a 16 piges, il va se présenter. Il est très chaud. Vas-y, mon gars, Greeny Gangsta. Ouais, moi, c'est Kozdar, la grande borne. Voilà. Je suis là avec Cocaine, Cozy, avec tout le monde. On est voilà. Là, ça va faire un freestyle. Eh bah, écoute, bienvenue aussi dans la nocturne. Merci. On va saluer Gradio aussi. Je passe une spéciale pour Gradio, parce que je passe souvent ces morceaux et je sais que vous êtes proches tous les deux. Hein. Gros salam à Gradio, mon chégué. Très proche, c'est un frérot, donc on va le saluer. Il devait être là, mais t'as vu. Il avait des choses à faire, donc il n'a pas pu être là. On va le saluer. Merci Fredo, hein, d'avoir joué les sons, tout ça, d'avoir joué le jeu, tout ça. J'aime bien le personnage, en tout cas. Le personnage me plaît. Bah voilà. Bah voilà. Donc j'attends la suite, mais voilà. Le personnage pour l'instant me plaît. La suite, ça va arriver, t'inquiète pas. Bon, il y a son premier morceau qui s'appelle Biff qui va arriver, qui est très sale, gros. Qui est très sale, je te le dis, moi. On continue les présentations, pareil. Ouais, okay. Moi c'est Cocaine. Cocaine, CMF, Greeny, Grande Borne. Et puis on est là, on est venu. C'est le petit Zincou, Cocaine. Soutenir Cozy, voilà. C'est un coup à Cozy. Je passe un big up à Néo Music, Keto Crime, LMC Click, La Comera, Les Petites Chez Moi, Equinox, Kozdar qui est là, qui va faire du sale. Kozdar. Tiger, Nadir au placard. Krodash. Tous toi, les books. Et voilà. Eh bah, ben terrible. Est-ce qu'on peut attaquer? Chaucer, Jizo. On peut attaquer directement. Encore, non, pas. Il y a Krodash aussi, ouais, qui est là. Il y a mon gars Fos aussi qui est là. Présentez-vous, les gars. Bah, Krodash, t'as pas besoin de se présenter. Il y a les gars qui vont se présenter. CCI américain 78, on est à Altrap et l'encore on mord pas. Là il y a mon gars Fos, on est venu pour Cozy. Ok. Allez, coup d'envoi pour la session live. On voit ça, on voit ça, on va envoyer des exclusivités en freestyle, sale. On voit ça, DJ Flexta. Hein, Kano, écoute ça, Pontin. Gia, Prod Kavom, 4093. Big Up Therapy, One Shot, Street Fab. Ça fait. Niama. Dans la street, reviens, s'il te plaît, reviens, pull up pour ça. Vas-y, balance. On est parti. On va faire augmenter la pression. Eh, hey, vous êtes là ou quoi? Ouais. Vous êtes là ou quoi? Ouais. Épinay sous scénar. 2-4-0, Stein dans la maison, Ray. Ah. Le public en mode standing ovation. Quand je demande dans l'arène, son vaseline, son podka, je vous l'enfonce dans l'arrêt. Tu me verras ap, aucune chez Gap ou encore au marais. Le paradis se fait trou sous les pieds de ma reine. Cozy gradir au verdose, pas rigot ni pas reine. Reine et gratos, prends-moi viscère et je te renvoie la pareille. Unique à mon genre authentique, chez moi y'a pas de pareil. Parle en code, n'oublie pas d'être secret lorsque tu me raillettes. En chaque morceau, je fais plaisir au bled, un peu comme Khaled. Pendant que t'attends ma part du gâteau, je répare les galettes. Esprit ma bêche de fume comme un joint ou une cigarette. Faudrait me décapiter, me perpétuer pour que je m'arrête. Vous faites pitié avec vos gestes, on dirait des majorettes. Qui moi, baissez les bras. Mais tu rêves, coup de planche, coup de fer à repasser. 2-3 sur tes waves. Le Niama sort de la cellule du time. Le niveau s'élève. Mes punchlines, c'est des massacres. Flow fait 12, incroyable talent. Pas besoin d'M6, j'ai rien vu, j'ai rien entendu. Je signe et je persiste. Narchetan et FF en chiffres, ça donne 6-6. Ah, ok. Ok. Nique la bague, nique les keufs, c'est beau de le dire, j'avoue faut le faire. Ça jure sur Dieu ou sur leur livre. Bah quand tu mens, vaut mieux te taire. Je graille le rap comme un McChicken ou des brochettes et de l'exéter. Les seuls qu'on volume concurrencier sont tous en mode fin de carrière. Ils sont sous terre, lève-les, prends une pelle. creuse-les. Cause d'Arivaldo dans le rap, je vous mets que des virgules crochets. Puis fin de vous, de toutes ces merdes. Moi je déboule et vous êtes choqués dans vos mères. Je vous fais jouer mais vos secouis en l'air. Toi-même tu sais que je peux te faire taire. Cause d'un ou deux aises, tout monte à la tête. T'as qu'à aller prendre du Doliprane. Braquage, donne-moi toute la caisse. Ou sinon je vise le crâne. Chacal, j'ai une dalle de fou. Donc vas-y, agite la foule. Vas-y Jay-Z, Zack de la fumage. Baisse sur des lits, les bruits d'un tambour. Tu veux défier qui? Va faire un tour. Tu vois pas le cheat, c'est du maquis lourd. Donc préviens tous les pseudo rappeurs que je vais finir par poser ma tour. Chaco, il est l'heure pour toi de raccrocher le micro. Je suis même pas au top, frérot. C'est juste que j'ai les crocs. Je veux tout niquer. Bah ouais, comme d'hab, on blaze à moi. Gros, c'est costard. Aïe, ok. Roddy Bobby Johnson. Deuxième session de freestyle. Aïe. Mieux. Cocaine, motherfucker, yeah. T'as rien d'exceptionnel, MC et c'est pas personnel. Tu fais du rap, personne t'écoute, ma gueule perd personnel. Je suis coquette, je fais toujours dans le sensationnel. Équipe comment je rappe et sans devient plus fusionnel. Je m'échauffe pour l'instant, je suis qu'à 91 décibels. Je t'ai vu sur Facebook, en vrai je pensais pas que t'es si belle. J'espère t'es pas une timbre, ce genre de devoir être belle. J'espère t'es pas un traître comme ce petit bâtard de Fautel. Sinon obligé je te fais la guerre, caca là il va te foutèche. On a du genre, on fait les crevards, bah ouais c'est la dèche. Ces fils de pute font faire des vifs, aux enfants Bangladesh. Moi j'ai confiance en l'homme qu'à moitié entre parenthèses. Prends ma commande, salade, tomate, harissa, sans mayonnaise. Tu vends ton trou, je veux pas que ça arrive, je suis pas une marionnette. Regarde-moi dans les yeux, à coup je fais pas de devinette. Qu'est-ce que tu cherches? Dis-moi, est-ce que tu veux que je te la mette? Je comprends pas, hein. Dis-moi, c'est quoi ton problème? C'est quoi? Tu veux la gauche ou la droite? Tous les deux, un sacré dilemme. Dis-moi. Tu veux Nabila, tu veux Cindy ou la grosse Poncaïem? Chargée, discrète et mignonne, cuite, c'est comme ça que je les aime. Gros archive. Donc vous êtes connecté d'entrée direct, on saigne, papa. Mister Gisel, oui, enchanté, c'est quoi les jazz, tatas? On veut des cristaux sur les chicots. Parvenu en goal pour finir cristaux. Désolé petit con. Les oreilles siffrent en puleur, les oreilles fils. Les bastons de rime, une boucherie comme Tyson Holyfield. La rue c'est fuck, bitches get money, capiche, corfe le shit, marie, reste en vie. Lors du triple 6, uh-huh. Et les flics racistes. Triple 6, c'est ça, et flic raciste. Tu veux te la mettre comme un mani, ben vas-y, baisse Tony. Bandana musique, c'est la folie, cœur policien. Qui s'étonne pas que mon Ulysse gang transforme en hooligan. Pareil pour tous les dieux, écartez-vous, y'a danger. Cher le vouloir, Palestine, des balais, Willy Denzel. Premier en rap, rap, dernier en physique, chimique, rap. Deux fois, appelle-moi. Je suis en mode fly, man. Je te sens fatigué. Je te fais perdre ton centre de gravité. Je suis drogue, African North, trafiquant le dos, la fliquette bande d'infidèles. Mec, je suis le 91, bitch. Submergé, j'ai jamais calculé ma conce, bitch. Être un pro pour exploser 2014. Sortir l'écrou du crocodile Lacoste. Dans des marécages remplis d'escrocs style Madoff. Toi t'es juste un braqueur du vendredi de la poste. Alors, je traversais les hautes plaines, la gauve pleine de dope. À l'arrière des Monza zéro, pleine de pauvres. Champagne dans mes Kellogg's et des kilogrammes de hub. Des cornflakes de... et les chapeaux pleines de eux. Clac, clac, clac, clac, pendant que t'agonises. Du rap 9-1, je suis un pro. T'attrapes les bras sous les mains d'un gorille. Que fait une calage dans les mains d'un choriste? Crac, crac, crac, crac, crac, crac, la money. Le beurre, la hub, les rabs, les macaronis. Ils veulent écraser mon avocat en faire du bois, crac, crac, la money. Y, deux OCH, FMD. Ok, et puis les sous larmes aussi. Yama. Ok, Y, 9, 1, 8, 6, 0, euro. Yeah, yeah. Le compact du boss. Je fais plaisir aux gens. Ma route tombe pareil. on vient de me faire mes jantes. Y'a que les PD qui se défilent, les fous qui veulent des défis. Demande à Ludo, jeudi dernier, j'suis parti bicrave avec mes deux filles. Dans le sac à dos, 10 pochons, ça comptait de 100 euros. Toi, t'es pas la daronne, mais t'arrives à me dire que tu te sens heureux. Moi, j'suis meilleur, butez-moi si j'mens. J'suis meilleur, butez-moi si j'mens. Si vendredi j'vois la mosquée, c'est que samedi matin j'ai un jugement. Il me faut une Rolls, une pute qui suce bien une Rolex. L'erreur c'est pas de revenir au Heps, l'erreur c'est de revenir vers son. Nous, on charbonne un peu. Le foot de hip, c'est pas herbeux. En ce moment, l'argent, ça rentre un peu. Grâce à Dieu, je suis dans la beuh. On écrivait épineux. Sur les bus et les murets. Dieu nous parle qu'avec des signes. Sourd et muet. Zanotil ou putain. Femme le jour et la nuit, grosse putain. Commissaire, à quoi il sert? À part déclarer que la moitié du putain. Maga. Yeah. Remets la prod un petit peu. Pull up la prod. Yeah, flex top. Allez, c'est parti. Yeah. Oscar de Tess. 1-9-4. Yeah. Et ça peut perdre à toute la night. LTC. Yeah. Yeah. LTC, jusqu'à la mort, kilomètre de pizza, notre acteur. On donne un kilo, tu veux nous la mettre, dis filou. Parle que tu fumeras tes spliffs. Dis à tes clicos, c'est Paris qui la bœuf. Il est temps de fructifier le jazz de la mif. T'as raison d'avoir peur pour ta meuf. Le West Nesnep du ghetto lui a mise. Mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce t'en sais. On a fait des bracos mais personne l'a su. Voler, dealer, t'as fait des lascars, désolé. Mais tout ce qu'on fait, on l'assume. VLT, ça rappelle vite, bref et fort. Tard la victoire, bête, fort. Génération, voleur de fort. Pour devenir plus fort. Ah c'est l'heure, ici pour une erreur, on te passe à l'âme. Un peu pont, tu tournes le dos, ça attire, bang, docteur Amselem, 9-4, yeah. Ah c'est l'heure, ici pour une erreur, on te passe à l'âme. Un peu pont, tu tournes le dos, ça attire, bang, docteur. J'ai pas besoin d'un gros bip pour mon bracelet. Juste du mon beau gosse pour me passer l'air. C'est pour tous mes magas, tous mes SLR. Yeah. Rimo, oh. Rimo, ok, Rimo, ici les bons gars, Scarpez, ça vient de chez moi ça. Pour me scraper, petit 2SY, mec, 1, cool. C'est pour mes dope dealers, j'rappe pas de la dope dealer. Échantillon 4-5, 1-1, on dit ce qu'on vit, cool. Je les plie en 4, échant 4, des impacts et de la frappe. Musique trap, bloqué dans le sas, dans l'impact. J'en mets des tops, ils disent qu'ils rappent, j'en tape des bas. Je vois leur clip, vidéo gag. Écoute mon son, remplis tes poches, ton je dois faire mon buzz, tu dois faire des schlags. Un pied dans le bis, un pied dans la zig. Je marche droit, eux ils zigzag. J'ai pas une photo au comico, pas encore la une du rap mal. On prend de l'impasse, on prend du gap. Pour mes raps à mes renois et mes bars. Aïe, talentueux, voilà, poteau, t'es qu'une blague. Yeah. Validé par le vrai poteau Big Mike. Blah. Autodidacte, didacte à la chemie, c'est ab, zéab. Ce système pérable, qui nave, c'est pour tous mes braves, qui brave. Leur interdit, pour mes homies, pour mes ennemis et même mes ennemis. Yeah. Sourcils foncés, je suis toujours incompris. Yeah. Avec mon ego, je suis toujours en conflit. Yeah. Je viens bombarder le rap comme en Syrie. Yeah. Comme Ibrahim dans un RSOD. Yeah. Élevé au son New York et Moby B. Yeah. Au roue arrière, on bivise en piwi. Yeah. On force la volaille, les gardiens ont pris. Quand je prends le mic, c'est toujours la folie. Et je prends la première sortie du périph. Périph, back, Ren, on présente ça. Dealer, RIM, ok, nouveau soldat. Dealer, back, 3-5, Paradise Music, back, Dieu, 1, 3-5, ça fait 1. Je démarre comme un 2-temps, Zbeul comme un 400, que Dieu me préserve de Satan. Quand l'argent devient alléchant, oui, oui, je vais vous blesser. Ces rappeurs sont tous à chier. J'avoue, j'ai pas digéré la concurrence dans les WC. Ouais, négro, tu complexes. Quand je rappe, ça fait très mal. Comme d'hab, je règne peur. Mon flow, tu veux qu'il bras. Bêta, alpha, kappa. Tape la flappe de l'enquement. Tu sais de quoi je suis capable. Paraiso, bang, bang. Bang, bang, à bord du vaisseau. Gros, spiz dans le visio. Gros, spiz pour mes négros. Gros, spiz pour la Djokos. Pareil que je suis homme, pareil que je maîtrise le machin. Yeah. Flo, Sénégal, Flo, Colo, Banjo 221, 21, stop ton baratin. Y'a un coup que tu peux parler terrain. T'as fait ça, t'as fait sa perte, je m'entends pour qu'on ait des mythos comme les mecs de la BAC. Étoile filante, lente, elle a fait son vœu, vœu. Je me dois d'être galant, lent, je la tire par les cheveux, cheveux. Cramponnez-vous, oui, oui, cramponnez-vous. Seulement trois dans le crew, on rafale ton rap et on t'offre les douilles. chien. T'as des belles paroles, t'es qu'un beau parleur. Ah, écoute mes paroles dans ton haut-parleur. Ouais gros, j'fais le boulot. M'appelle pas mon frère si tu me trahis pour du Zeyo. J'suis au bout du rouleau. J'me torche avec ces rappeurs. La plupart sont des beaux parleurs. J'vais les shooter comme un sniper. Oh, négro, RPA, j'bro 19ème, au Clomère. Check, ok, yeah. Tu es du très sale sans mon pote. Ouais ouais, dédicace des shots dans ta raille. Tu es très très sale cette grosse boulot des modes. Ouais ouais, DJ Flux Tez Sporty mon gars. Ah ah. Un Cheer, Yamak, check. Je me réveille sur un coup de tête. Cheer. Je me réveille sur un coup de tête. En plus de ça, du mauvais yeb. L'impression que les stars me guettent. Non, faut pas, je finis dans un guette-guette. Non, non, je suis pas une pédale. Je vais au charbon pour délover. Mais si le rap marche pas, j'aurai toutes les raisons de récidiver. Au quartier, c'est toujours bouillant. On se croirait dans un réchaud. Écartez-vous, je suis venu tout craille. Par les couilles à coups de talons. Homme de métal, j'en rien sous Skyard. Qui paraît, j'ai du talent. J'en ma langue, c'est trop si fax. Bras ballon, je suis comme si fax. Yeah, laisse, ok, Roblox, ok. Qui vivra verra et qui fera la ragla verra. Arrêtez de vous prendre la tête, pas que t'as pas, ce n'est que tu peuras. Grosse prod, tu me donnes les gars de Ketchum, Yam avec ça, ça ira. Tu seras ma groupie pour toujours, bitch, tu j'époux comme Shakira. J'écoute la concurrence en lucé, j'ai guéri rien que je gorille. Bonobo, gros dos argenté, c'est chez moi car c'est gorille. La street, le bus, la rue, j'connais bien Yama, c'est ma catégorie. Je recherche le fils de pute qui disent que j'ai pété un câble à Fleury. En mode folie passagère, j'ai mis dans la faute cadre le mat Fleury. Hier ils m'ont négligé, mais aujourd'hui rien qu'ils font des flatteries. Lorsque j'étais au placard, mon sujet ils exprimaient que de la moquerie. La street m'a redonné le chromis afin que je pousse mon dernier cri. Yama Mayo Yo Zo. Tu fais déjà du bruit, mais pour toi c'est déjà cuit. J'ai sorti le 9 mm Beretta, oui il est sur des tuyaux. Ah, pour toi c'est déjà cuit. J'ai le mini 2 sur les tuyaux. Lâche des balles dans le tas, yo malade, donc c'est sûr qu'il y a des dégâts. Mon c'était j'ai pesant. Du mec j'ai de la latte, ça pour toi. Beretta, oui oui oui, c'est comme ça que je t'accueille, je suis courtois. Allez tiens, Martizalem dans l'emblème. Sur Wambro t'as la haine. Il faudra que je te ken. À mes peines je t'abonne. Je les saute comme si t'es trop conne. Là gros j'improvise. Je m'en bats, je te nique ma devise. Fais des euros, pas de crise. Hey, ça c'est ma Yoso. Ça va terminer quoi? On va terminer freestyle avec le French Montana paranoïde. Fred, écoute ça. Gros Dash Chisel. J'ai la bouche sans vous baise. Le bal ou comment? Kinshasa boss dans le building. Kinshasa boss dans le building. Ah. Yes. Yeah. Ah. Le niveau est élevé, on vous l'avait dit, hein. Cosy Z. Gros d'un chiseur. Je tiens contre mon fort. Qui te crie. Bandana et plus en place. Allez, le pécho. Y'a ma cause. Ah. Hermès. Hermès, ça paranoïde, mon pote. DJ Flex, Dez. Néo musique. Yeah. Yeah. Woo. Yeah, yeah, yeah, woo, yeah, yeah. C'est pour mon Yamakosi celle-là. Aïe, du sol. Yeah, yeah, Kadogo, brûlé sur la peau. Week-end sur la côte, manga, trop fumé sur de la dope. J'aurais dû réduire la dose, popo. T'as tout mon nom, que mon équipe te porte un taux. Rajoute FMV sur le côté gauche. Je fais de mon chicken, mes potatoes. Yeah. Bullshit. Non, on va chez ta policier. Viens pas trop t'aigre à l'amitié. T'es juste une pétasse officielle. Officielle, tiens, tiens, tiens. Venu au monde pour pomper du zeg. J'ai du blue diamond dans les veines. Qui t'a dit que ça tombait du ciel? Cartonné sur un V6. Le cabrio sort de l'usine. Tu la taille de ta vessie. Voilà mieux que tu sors du ring. Cagoulé pour la routine. Scarburé c'est la routine. Cagoule, trafic, bagout, blacking. Tatoué pour pas que j'oublie. Aïe. Pas de joupi, ambiance de glaire, j'ai vu que ça se clash sur Bouscapé. Faut faire des gains ton style, là je vois que les boucs sont prêts. Intestable, je suis dit ça, je crois que tu savais. Je pourrais te tirer une balle dans le crâne juste parce que j'aime le bruit que ça fait. Ça fait, je crache des missiles sur ses pouces, il manque. Cause c'est cerné pour on va se bastonner. Y'en a encore dans le but, là j'ai pas tout donné. T'as jamais rien fait pour moi, rien de mitonner. Si je t'entends, on le donne, sois pas étonné. Casse-moi les couilles au but que je te raccrochonné. Lipo la mer abîme nos bandes de cochonner. Trop, c'est trop, je peux plus cautionner. Ma bouteille sur ta tête, elle m'avoir consommé. On part de rien pour finir au sommet. Au D1, j'ai trop mis d'or, maintenant j'ai plus sommeil. Mes lyrics, c'est explicite, ta vie sourit. Les louches attirent la tronche parce qu'elle a fume souris. Dans le panier, j'ai enlevé les potes pourris. Demande à Paris, comment fait Mike Fury. Libérable, je reviens vénère comme Wolverine. Vos rappeurs sont des mouillés mais qui volent Mérine. Descendant de coups t'as quitté pas de Jacques Mérine. MC je te prends sur n'importe quel terrain. Y'a qui passe par derrière c'est qui casse les reins. Passons pour s'en et puis suis vite R1. De l'ombre à la lumière aujourd'hui je suis repas. Puis hier tu vas tartiner si tu cherches du pas. Nya là. Pinez sous CNA. Ok. Y. Ok. Cheer. Ok. Ils me voyaient pas venir, pourtant j'arrive en plein phare. Pour dissiper la brume, j'ai mis les feux de brouillard. On trouve toujours des assises, on est né des brouillards. On a confiance qu'en Dieu, on barre ceux qui sont au pouvoir. J'ai mis la barre un peu trop haute sans le vouloir. Si je les check pas, j'ai mes raisons, j'aime pas les trous. Je te vois comme un mec qui me fait gaulerie, Rémi Kaya. Toujours en location pour attirer les aïas. Tu baisses pas beaucoup donc tu te venges à bataille. Si freestyle j'oublie mon texte pull up, je suis faille. Dans la baston sort du glock, elle peut pas trop pull up. Quand j'arrive mets du gloss qui baisse ta culotte. Petit rappeur t'es mon fils, t'es reconnu pour toucher les allocs. Petit trou du fion, va pas t'imaginer pour autant avec moi en coloc. Je rigole pas avec toi my nigga, donc faut pas que tu me provoques. Parle pas et ferme ta gueule. Quand c'est moi, c'est le boss qui te convoque. Yama, Cosi, Costa, Jer, Ebine, Soussena. Ok, Jer, Y, Henrik, Lamif, Y, Ok, Ebine, Soussena. Ok, on reste pendant qu'ils font des messes passe. Quand j'y mange, je veux braquer, j'attends que l'heure de la messe passe. J'apprends à ma fille la politesse. Quand ils reçoivent de nouvelles armes, c'est sur nous que la police teste. Yeah. Coupé au Red Bull, ça donne des ailes. Escroquerie plus éclaircissement de la peau, ça donne des ailes. Pète un tout petit peu plus, ok. Depuis que j'ai arrêté l'alcool, ok. J'pique un tout petit peu plus, ok. Depuis que j'arrête l'école, okay. Y'a pas que le shit qui ralentit, y'a les dodanes aussi. Y'a pas que Dieu qui peut me juger, y'a la juge d'Evry aussi. Bébé les co-rumeurs, mon gosse ça part loin. J'ai plus de 9 frères et sœurs, mais je viens de faire 3 peines sans parloir. Tout de moi on dirait, les sacs comme un con tirait. On faisait du foot, on s'embrouillait, on s'est tiré, on tirait. Pas de sous, flemme, et j'fuck le walk of fame. Fleury, c'est parce que là j'ouvre et que les mois qu'en fait. Cruel, j'ai vendu de la drogue à mon oncle. Si je baisse la street dans 9 mois, y'a une ruelle à mon nom. J'irai au paradis gros, je l'ai vécu cet enfer. Je me plains pas, je relativise, mon con vient de se prendre cet enfer. Hip hop, c'est que l'une de tes pointures sont des fausses. Tes potes et tes voitures sont des loques. J'ai vu le rap game dans un bat sur vête avec ma verdure dans les poches, mes pointures sont d'époque. Je sors des punch genre Fred Spencer, mais comme un break dancer et je reste debout. Ça fait que quand je pose mes yokus sur la bleuta, je reste le seul à qui reste de poule. C'était la session live dans la nocturne. Gros freestyle, Cozy. Merci Cozy. Merci à toi, merci à tous ceux qui étaient au micro. Et rendez-vous en juin. En juin avec le B. Avec le B. Je veux passer une petite dédicace, Cozy, vite fait, s'il te plaît. Une dédicace, vite fait. Une dédicace pour l'association AFO. AFO Association. C'est une petite dédicace à la petite Jenna. Elle a une maladie grave et T'as vu, dédicace à son père Vincent qui gère sur elle, Vincent Tournefier, vas-y. Et bah, bon courage à ses proches et à elle, surtout. À ta fille. Ouais. Voilà. Et n'oubliez pas, les péchos, le projet, mon gars, gros dash chez elle. Gros dash dans les bacs. Gros dash, les gars. Depuis lundi, allez, péchos, la vie. Merci, Coquin. Merci à vous tous. Bandana et Purple Ace des Mongols, soutenez la part des pendants. Yes, et la nocturne continue maintenant pendant une bonne heure encore. 100% rap français. Ciao. Planète rap 100% explicite lyrics. Allez, c'est reparti pour le son de la nocturne, 100% rap français, grosse exclu, Gradure, on en parlait justement avec Cozy il y a quelques minutes, le voici avec XO maintenant, on n'est pas tout seul, c'est ce qu'on écoute, le clip est tourné ce week-end du côté de Clichy-sous-Bois, Montfermeil, plus de renseignements sur le Facebook de Gradure, allez faire un tour, cliquez et tournez dans le clip qui arrivera le dimanche 13 avril, on n'est pas tout seul, c'est ce qu'on écoute maintenant dans la nocturne. On n'est pas tout seul, tous mes revenus, gros postichés dans le blog, on n'est pas tout seul. J'espère qu'on double volet dans un bête de fer. Fume de l'air, ça sort de perle. Saveur de pilon sur les lèvres. Grosse prod que je rappe mon cesse. Grosse fesse que je crache mon sperme. Sortir l'argent du casino. Cagouler à l'arme des Payless. 21, blackjack, verre de cognac. Jack, j'fais ça grognasse. Clac, j'roule un grognax. Grosse coupure, grosse fesse, grosse liasse, les gars. J'guette la taille des fesses. Elle guette la taille des chambres. J'bois mon verre de ponche. Elle ouvre les chambres. Et j'insère mon jeton dans sa fente. Et négro, j'baisse un apila. Faut que la bac, elle aime bila. Qui pense qu'à nous mettre au placard. J'vous la glisse comme une panenne. T'as jazz infédale. C'est de la frappe sur le beat que j'viens te livrer. Négro, arme plus que calibré. Animeur et animé. Pour des pèses, on va t'allumer. Comme on 5-9, c'est la guerre, on va fumer avant de tirer sur le calumet. Flow saveur mix pour les enrhumer. Dans mon 5-9, c'est la guerre, on va fumer avant de tirer sur le calumet. Flow saveur mix pour les enrhumer. On n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul. Touche un membre de ma clique, négro, tu verras qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul. Gradure, ISO, on met ce vent. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul. Touche un membre de ma clique, négro, tu verras qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul. Tous mes robes négro postichés dans le blog, on n'est pas tout seul. Adon les enculards secs, zéro, tu connais l'équipe, l'adresse. ISO, Gradure pour le TG7. Je suis la vitesse sans prise, qu'a niqué la fête. Boycott tête depuis le départ, je suis la bête noire, t'as fait cauchemar. N'est-ce pas ta sœur sortir ce soir, n'est-ce pas ta sœur sortir ce soir. Par curiosité, ouais tes rappeurs sont des fans refoulés. Ouais c'est à nous qui veulent tous ressembler. Ouais c'est la rue, c'est ça qui t'est prêt. Ou la grosse qui dépasse Jim Disley. Je me pose, pas là pour sympathiser. Je la cause, le tout c'est traumatisé. Pas de pause, j'ai pas fini de l'épaisser. On t'a dit qui s'était fait péter. Je les croise à roi, si c'est DG. Ouais seul l'eau, ça t'a bien douillé. Reviens Broly qu'elle cherchait. Reviens Broly qu'elle cherchait. Comme lequel, ça va défourailler. T'occuper, je vois ces gros changer. Rien t'aider, personne pour te venger. On est vrai. Et ça sans faire exprès. Et ça sans faire exprès. De quoi il se plaît. J'ai même pas fait peur. 59, 9, 3, 2. On voit rouge quand il y a les bleus. 59, 9, 3, 2. On voit rouge quand il y a les bleus. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Touche un membre de ma clique. Négro, tu verras qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Gradure, ISO, Roubaix, Sevran. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Touche un membre de ma clique. Négro, tu verras qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Tiens, tous mes robes négro postichés dans le blanc. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Gradure, Exo en exclu dans la nocturne, on n'est pas tout seul. Et le clip tourné ce week-end du côté de Clichy-sous-Bois, Montfermeil. Plus de renseignements sur le Facebook de Gradure. G-R-A-D-U-R. 100% rap français. Planète rap. La nocturne. Il débarque lundi dans Planète Rap entre 20 et 21, la MZ, qu'on écoute maintenant enfermé dehors. C'est extrait de leur projet MZ volume 3 dans les bacs. Et c'est la nocturne 100% rap français. Yeah. Plus rien ne peut m'intimider. Dehors j'ai perdu mon intimité. La drogue et l'alcool m'aident à méditer. Faut-il que je m'en tire une dans le crâne pour qu'à leurs yeux je puisse exister. Plus rien ne peut m'intimider. Dehors j'ai perdu mon intimité. La

Liberta, comme le GPN on te soulève sous la couverta. Avec nous-mêmes on est vrai de vrai. Je me suis noyé dans du 40 degrés. Haine et violence, on a manœuvré. On efface les regrets. J'ai le mode de vie d'un animal. Pourtant je veux être un homme de bien. Je pensais être l'homme du match, mais ils m'ont élu l'homme du mal. Passe dans la fête, on prend du recul. Pour mieux tout arracher sur notre élan. On a pris du gras, on a pris de la thune. Le blé de la famille, les cantines. Le Hamouletine, le Hemja en légumes. La rancune, l'amertume, de quoi se faire cachetonner. En psychiatrie, finir en légumes. On change pas son destin. On est des soldats d'infortune. J'ai la tête ailleurs, j'suis de mauvaise humeur. J'suis au coin fumeur, j'prends du recul. Je n'ai pas le moral à faire la fête. J'gagne durement ce qu'il y a dans mon assiette. Le paradis des voyous n'existe pas. C'est comme le braquage du siècle. Moi je n'étais qu'un voleur avec des talents de prestigitateur. Dans le fond on est tous prédateurs, sous les yeux du créateur. Je regarde le ciel qui s'assombrit. La mort se vit seule, la vie nous fait souffrir. J'ai du mal à maîtriser mes colères. Le vent tout puissant paiera nos erreurs. Je regarde le ciel qui s'assombrit. La mort se vit seule, la vie nous fait souffrir. J'ai du mal à maîtriser mes colères. Le vent tout puissant paiera nos erreurs. Nocturne. C'est la nocturne 100% rap français avec Sadek maintenant, après Rimka. Tout le monde fait de la fraîche. Chacun veut gratter sa pièce. Sans aller tourner au head. Je rappe pour les blocs et les checks. Ça comme le fond de tes fesses. Ça comme le 93. Faut qu'on squatte l'avenue des champs et qu'on enchaîne fête sur fête. Mardant assez tête sur tête. 7 sur 7, le même sur vête. Délavé, trop de boulettes. Taille des sous les coucougnettes. Tout niquer, fuir au bled. Devenir un grand poète. Et laisse-les jouer de la mandoline. Laisse-les jouer de la harpe. Moi je rappe pour les requins blancs. Restant muet comme des cartes. La street, c'est la street, c'est le bordel. Arme soviétique dans le berceau. Quand tu penses à moi, je pisse dessus. J'suis le petit doigt dans le verre d'eau. Rames, tout le monde fait de la fraîche. Chacun veut gratter sa pièce. Sans aller tourner au head. Rames, je rappe pour les blocs et les checks. Rames, ça comme le fond de tes fesses. Rames, ça comme le 93. Rames. J'en ai rien à foutre du café. Je me demande comment niquer les impôts. Je me demande comment fermer le renté. Je me demande comment ouvrir une radio. Je me demande comment faire pour que nos pères soient plus locataires. J'ai des choses à faire. Et nique ta mère, toi et tes commentaires. C'est ni aime rien à voir avec ces chiens qui racolent. Une semaine au placard, ils peuvent en parler tout d'un album. Dites aux groupies qu'elles s'affolent. Car bientôt ça va barder. Plus dur c'est pas de prendre leur inté, c'est de savoir le garder. Rames, tout le monde fait de la fraîche. Rames, chacun veut gratter sa pièce. Rames, sans aller tourner au head. Rames, je rappe pour les blocs et les checks. Rames, ça comme le fond de tes fesses. Rames, ça comme le 93. Rames. Rames. 2014, ma gueule. En attendant, Johnny Neal. Ça va rire. Moi le Neal. Fini de wesh, ma gueule. Mohandes. Remets-lui dans ce fâteux trio. Ha. J'rappe pour les blocs et les tests. Rames. 100% rap français. Planète. Pas loin du but, je

boy. 100% rap français, planète rap. La nocturne. D'habitude, je prends le mic avec attitude. En solo, parce que je kiffe la solitude. Tu veux connaître la lienne, viens faire un tour sur iTunes. Mon style vient d'ailleurs, on dirait short de Neptune. Je suis à la grotte de Satam, achetez vos Satam. Sur n'importe quelle prod, tu sais que je m'attape. C'est clair, net et précis. Avant qu'on bosse ensemble, faut que je t'apprécie. Je suis sincère, je tape pas celui. Tu veux me douiller? Je crois ta page se vide, parler derrière moi. À quoi ça t'a servi? Faut que je m'équipe d'une calache comme en Serbie. Je suis passionné, mais je cracherai pas sur un yébi. Je rappe avec la dalle, je sais que tu m'as aigri. Casse-moi pas la tête, surtout quand je suis aigri. Je dois être baffé, t'envoyer dans les cordes, je vais taffer. Tant que Dieu me l'accorde, je suis dans ma matrice. Poto c'est le Chris Bridge, attitude vénère. Je fréquente pas les bitches quand la zig me saoule. Je suis en stand-by, envie de faire un drive-by. Ouais, je sais quoi les pailles. Je suis dans ma matrice. Poto c'est le Queen's Bridge, attitude vénère. Je fréquente pas les bitches quand la zig me saoule. Je suis en stand-by, envie de faire un drive-by. Ouais, je sais quoi les pailles. Laisse faire, on avance, on est fier en concert. Faut que tous les bras se lèvent. Laisse faire, on avance, on est fier en concert. Faut que tous les bras se lèvent. J'suis dans le ça, toujours technique dans mes sorts. Faut que je m'en sorte, mais pour beaucoup j'suis trop hardcore. J'fais ça pour moi, j'fais pas ça pour vous plaire. Y'a que sur instru que tu ressens les sentiments. Car moi j'rappe, mes joies et mes plaies, j't'envoie ça. Du Galsen à la plaine, pas très sociable. Rigole pas avec moi si on se connaît pas. J'ai eu moi amer pour rien, j'insulte ta mère. T'es une bitch, tu me prends après. Sur toi je tire un trait. Tu peux tirer sur moi, moi je te raterai pas. Demande à Bellic. Dans le secteur y'a une odeur prolique. Rappé c'est mon éthique. Je donne ça comme à l'époque. Je t'envoie des pics. C'est que j'ai chargé mon bloc. J'ai besoin d'herbe. Je crois que je vais changer de bloc. Mon voisin mérite un high kick. Faut qu'il taille, sinon je le poque. Je suis dans ma matrice, Poto c'est le Queen's Bridge, attitude vénère. Je fréquente pas les bitches quand la zig me saoule. Je suis en stand-by, envie de faire un drive-by. Ouais, je sais quoi les pailles. Je suis dans ma matrice, Poto c'est le Queen's Bridge, attitude vénère. Je fréquente pas les bitches quand la zig me saoule. Je suis en stand-by, envie de faire un drive-by. Ouais, je sais quoi les pailles. Envie de faire un drive-by. Ouais, c'est quoi les bails? Envie de faire un grave bail. Ouais, c'est quoi les bails? J'suis dans ma matrice. Poto c'est le Queen's Bridge, attitude vénère. J'fréquente pas les bitches quand la zig me saoule. J'suis en stand-by, envie de faire un drive-by. Ouais, c'est quoi les bails? J'suis dans ma matrice. Poto c'est le Queen's Bridge, attitude vénère. J'fréquente pas les bitches quand la zig me saoule. J'suis en stand-by, envie de faire un drive-by. Ouais, c'est quoi les bails? Mamad, l'aliéné, qui prépare son projet qui sortira en digital. On aura l'occasion d'en reparler dans la Nocturne 100% rap français. Nocturne qui continue avec Al Capote et Sid Sid maintenant dans la Nocturne 100% rap français sur Skyrock. Ma tour de pise, pendant mon tour de piste, j'aiguise mon tournevis, je vis pour le fric,

en France-Afrique, car le bled vous sert de carburant. Faut reprendre à César les crimes qui appartiennent à Mitterrand. J'suis comme ex Nilo, Molo, Bolo, j'ai le stylo, au stylo, criminel en Starco. Personne dans mon ghetto trempe dans plus d'affaires que Sarko. Non, non, plus de raciste, je suis un négro qui vote blanc. On se gouverne nous-mêmes, on se gouverne nous-mêmes, on se gouverne nous-mêmes, on se gouverne nous-mêmes. On se gouverne nous-mêmes, entraîneur humain. On se gouverne nous-mêmes. Toutes les portes qu'on a ouvertes nous-mêmes. On se gouverne nous-mêmes. On se gouverne nous-mêmes, on se gouverne nous-mêmes, on se gouverne nous-mêmes. On se gouverne nous-mêmes, on se gouverne nous-mêmes, on se gouverne nous-mêmes. On se gouverne nous-mêmes, entraîneur humain. On se gouverne nous-mêmes. Toutes les portes qu'on a ouvertes nous-mêmes. On se gouverne nous-mêmes. On se gouverne nous-mêmes, on se gouverne nous-mêmes. C'est la fin de la nocturne avec à l'instant le son qui vient d'arriver là, à l'instant ou pratiquement, puisqu'il y avait un freestyle vidéo disponible en fin d'après-midi à Front National, Tiers Monde qui prépare son projet Tiers Monde, de l'équipe de Dean Record qu'on salue, à Front National, c'était le nom de ce morceau, à vous de juger, à vous de réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag La Nocturne. C'est fini pour cette nocturne, ça revient dans une semaine, lundi 20h-21h dans Planète Rap, et toute la semaine, il y a la MZ qui débarque à pas louper sur Skyrock, et là je vous laisse. Fabuleux au contrôle, rap, R&B en non-stop, c'est parti. Rap, and R&B non-stop. Non-stop. Skyrock.